Vita mua maschina, e sudora pina, a duble delina, marina sejour, a tua je me livre, prête à te suivre, morale salivre, de gloire. Oh!